Le nouveau film de James Gray emmène Brad Pitt aux confins du système solaire pour comprendre l'origine de décharges de rayons hyper énergétiques qui menacent la vie sur Terre et par la même occasion retrouver son père parti à la recherche d'intelligence extraterrestre. Ad Astra est une première incursion dans la SF du réalisateur de The Lost City of Z et de Two Lovers dans la lignée d'un Kubrick ou d'un Tarkovsky cité en modèle par James Gray. Comment les grands réalisateurs s'approprient-ils le genre science-fiction, simple figure de style ou réinvention du genre? De 2001 à Ad Astra, on fait le tour de quelques monolithes cinématographiques. Cinéma, la SF en quête d'auteur, c'est le programme Odysséen qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour entrer dans les méandres d'analyse littéraire, filmique, philosophique, scientifique, métaphysique et j'en passe, de quelques-uns des monuments de la SF d'auteur au cinéma, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Tron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Tours, chercheur en littérature et cinéma de science-fiction. Vous êtes avec nous depuis les studios de nos camarades de France Bleu Touraine. Bonjour Émilie Martin. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique et cinéphile averti au magazine Ciel et Espace, sans oublier l'ineffable et immarcessible Simon Rio. Bonjour. Bonjour Nicolas Martin. Rédacteur en chef du site Écran Large. Mais avant cela, la seule personne au monde qui peut citer de mémoire les répliques exactes et en russe de Solaris si on lui donne le timecode exact, vous verrez c'est assez impressionnant, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec la découverte d'un essai clinique dit sauvage sur 350 malades d'Alzheimer et Parkinson dans une abbaye près de Poitiers. L'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, a annoncé hier l'interdiction de cette expérience. Elle a aussi déclaré vouloir saisir la justice. Derrière la structure Fonds Josepha, Henri Joyeux, radié de l'Ordre des médecins depuis 2016, expérimentait sur ses patients un patch. Un patch qui contient deux molécules pour tenter de soigner les maladies neurologiques. Alors pourquoi on parle d'études cliniques sauvages? C'est parce que normalement, les études sont autorisées par l'ANSM, mais aussi par le CPP, le Comité de Protection des Personnes, et par la CNIL. L'étude est ensuite enclenchée par une signature du patient en présence d'un médecin. C'est la signature du consentement éclairé. Alors demain, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. La nouvelle suscite beaucoup d'émotions. Bruno Dubois est neurologue à la Salpêtrière. Il vient de publier chez Grasset « Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle ». On revient sur les cadres légaux et scientifiques des essais cliniques. Écoutez, moi je suis très étonné de cela. Je ne savais même pas que c'était possible parce que les essais thérapeutiques sont des procédures qui sont extrêmement, extrêmement encadrées. C'est comme une course d'obstacles. Il y a d'abord, bien sûr, toutes les étapes de développement du médicament qui est réalisé par le laboratoire, ce qu'on appelle les étapes précliniques. Quand ils ont la conviction que ce produit pourrait avoir un intérêt dans une maladie, ils vont étudier sa tolérance chez des sujets normaux, sains. Et c'est ce qu'on appelle l'étude de phase 1. Puis, une fois qu'on a montré que ce médicament ne posait pas de problème de tolérance particulier, même à des doses élevées, on va passer chez le malade, en faisant des études de phase 2, puis après des études de phase 3, c'est-à-dire des études qui vont être généralisées à l'ensemble de la population des patients. Bon, tout ça pour vous dire que c'est un processus qui est très encadré, et ce n'est qu'à ce prix-là que l'on peut inclure des patients et étudier un médicament chez des patients. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est difficile pour l'Alzheimer, comme ça l'est pour le Parkinson. Ça fait partie du saut d'obstacles auquel nous sommes confrontés. Nous savons que c'est difficile, mais c'est comme ça et c'est très bien. Parce que grâce à ces précautions, les patients sont remarquablement défendus et on ne peut pas faire des expérimentations à l'aveugle, comme ça, sans garantie. En bref, selon une étude parue hier dans la revue Science, les États-Unis ont perdu 3 milliards d'oiseaux depuis 1970. Ça représente l'effondrement d'un quart de la faune aviaire, un oiseau sur quatre. Moineaux, merles ou passereaux, hein, ça concerne 12 familles d'oiseaux. Mais les plus touchés, ce sont ceux des zones agricoles, hein, où l'on observe une disparition de la faune aviaire de 53% en 48 ans. Les chercheurs américains ont analysé 529 espèces. Ils ont recoupé les informations de différents relevés annuels, dont ceux des stations radar qui détectent les flux migratoires. Alors seuls les canards et les oies semblent échapper à ce déclin, mais globalement, ce sont des chiffres similaires à ce qu'on observe en France et en Europe. Plusieurs causes sont évoquées, l'intensification de l'agriculture, la transformation des paysages et l'utilisation massive des pesticides. Selon une étude parue dans The Lancet Infectious Diseases, une dose unique de vaccin contre la fièvre jaune ne protège pas tous les enfants de façon durable. Alors, on pensait qu'une dose de vaccin contre la fièvre jaune procurait une immunité à vie. Cette étude montre que ce n'est pas le cas pour les nourrissons, pas tous. Il est montré que la moitié des enfants vaccinés dès leurs 9 mois cessent d'être protégés du virus à partir de leurs 2 ans. Le taux des anticorps spécifiques chute avec le temps. Ce travail suggère donc qu'un rappel de vaccin peut être nécessaire si la première vaccination a été faite en dessous de 12 mois. Et selon une étude publiée hier dans la revue Science Advances, la poussière d'un astéroïde aurait provoqué une période glaciaire il y a 466 millions d'années. Vous ne comprenez pas pourquoi à cette époque la Terre avait traversé une période de gel. L'université de Lund en Suède a analysé des roches de cette époque. Les chercheurs ont trouvé une grande quantité de matière d'origine extraterrestre. L'hypothèse avancée, c'est qu'un astéroïde en aurait impacté un autre, près de notre planète. L'impact aurait provoqué la retombée sur Terre d'une énorme quantité de poussière, ce qui aurait conduit au refroidissement de l'atmosphère. Selon cette étude, ces retombées de poussière ont aussi accéléré le processus de biodiversification. Cette semaine dans le Journal des Sciences, nous avons parlé de nouvelles cellules solaires qui peuvent recycler la lumière artificielle en électricité, des nouvelles cartographies des particules fines à Paris, de la première détection d'une pépinière stellaire à plus de 8 milliards d'années-lumière, et d'une méthode qui montre que de nombreux traitements contre le cancer ne visent pas les bonnes cibles moléculaires. Tout ça, on vous le met en lien, comme d'habitude, sur le fil Twitter de la méthode scientifique @laméthodefc, mais également dans l'actualité scientifique en ultra bref, Natacha. Alors l'expédition scientifique Mosaïque commence aujourd'hui à bord du navire de recherche le Polar Stern. 600 scientifiques du monde entier vont se relayer pour passer un an emprisonnés dans les glaces de l'océan Arctique. L'objectif est de mieux mesurer le réchauffement climatique du pôle Nord. Selon une étude de l'Université nationale de Singapour, boire du thé améliore l'efficacité du cerveau. C'est ce que révèlent les IRM et les tests neuropsychologiques de personnes âgées. Ceux qui consomment du thé au moins 4 fois par semaine et depuis 25 ans présentent de meilleures interconnexions des zones cérébrales. Le thé diminuerait donc le déclin cognitif. Et enfin, une étude australienne vient de prouver qu'un cadavre humain bouge pendant un an. Une vidéo en timelapse a été réalisée dans une morgue pendant 17 mois. Un corps était filmé toutes les 30 minutes. Les mouvements post-mortem font même bouger un bras de droite à gauche. Des mouvements qui sont issus du processus des décompositions et de l'atrophie des ligaments. Et on passe, c'est bien comme un vendredi sur deux, à notre nouveauté de cette année, le journal de la SF. Pour la première fois, Natacha, l'US Navy confirme l'authenticité de 3 vidéos d'OVNI. 3 vidéos qui datent de 2004 et 2015 et qui ont été faites par des pilotes en plein vol. Alors on ne voit pas grand-chose, ce sont des objets à chaque fois et ils font des mouvements impossibles à réaliser avec des engins connus. Accélération, arrêt brutal, virage brusque, les spécialistes ne comprennent pas du tout. Mais pas de raccourci, le gouvernement américain prend ses observations très au sérieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il reconnaît l'existence d'une vie extraterrestre. Il y a d'ailleurs un changement de terminologie. On ne parle pas d'UFO, d'OVNI, mais de phénomènes aériens non identifiés. Gabriel Chardin est physicien et médaille d'argent du CNRS. Il a coécrit aux éditions CNRS « Où sont-ils les extraterrestres ?» et le paradoxe de Fermi. Ce qu'elle confirme l'armée américaine, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Avoir quelque chose qui n'est pas identifié, ce n'est pas nécessairement ce que les gens voudraient voir, c'est-à-dire un véhicule extraterrestre, qui est une question complètement différente. Il est clair qu'il y a pas mal de pays qui développent des drones assez rapides et très très réactifs, qui peuvent éviter les missiles par exemple. Bon, voilà, on aurait plutôt tendance à chercher de ce côté-là avant d'aller chercher la solution d'un véhicule extraterrestre. Personnellement, j'ai du mal à croire à des origines extraterrestres pour diverses raisons, mais en particulier, on a écrit avec quelques collègues scientifiques un livre sur le paradoxe de Fermi, c'est-à-dire que le paradoxe de Fermi, du nom du prix Nobel Enrico Fermi dans les années 50, c'est de se dire qu'on devrait avoir au contraire énormément de visites d'extraterrestres et pourquoi diable est-ce qu'il n'y en a pas. Et notre conclusion, c'était parce que évidemment, c'est très très difficile de fabriquer autant une civilisation technologique comme la nôtre, probablement ça arrive pas très souvent, mais relativement souvent, vu le nombre de planètes dans la galaxie. Par contre, il y a une instabilité liée au voyage interstellaire parce que En gros, pour faire décoller une fusée interstellaire, il faut avoir la consommation mondiale pendant toute la phase du lancement et même après, au-delà. Donc du coup, ça, c'est quand même extrêmement instable. Ça rend assez peu probable, je dirais, les voyages interstellaires. En bref, la NBC Universal lance une nouvelle série Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, la série culte en 73 épisodes de 2009 à 2014 et inspirée de la série Galactica de 1978. Sa nouvelle version sera réalisée par Sam Esmail, le créateur de Mister Robot. Elle sera visible sur Peacock, la nouvelle plateforme de streaming de NBC Universal. Mais il faudra attendre avril 2020 pour la visionner. Il faudra attendre beaucoup moins pour qu'on consacre un vendredi de science-fiction à Battlestar Galactica comme tout le monde le réclame d'à corps et à cri. On va le faire, promis, dans pas très longtemps. Lors de la 71e édition des Emmy Awards, Natacha, la NASA a remporté deux prix de Creative Art Primetime. Ce sont les trophées du petit écran et l'Académie des Emmy Awards a récompensé l'agence spatiale américaine pour les vidéos en direct de plusieurs missions. Celle du premier test de la capsule de SpaceX, The Crew Dragon, et celle de la mission Inside qui s'est posée sur Mars le 26 novembre 2018. Voilà, un mot pour vous dire également que le livre de Jean Barret que nous recevions ici il y a 15 jours, VTM, n'était pas encore publié. Il est officiellement publié depuis hier, vous pouvez donc vous le procurer en librairie. On va vous remettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée à cet auteur assez singulier dans la science-fiction française et je dois dire, à titre personnel, assez passionnant. Et puis Natacha, comme chaque vendredi, la rubrique que tout le monde attend avec impatience, la rubrique de science improbable, avec aujourd'hui vraiment quelque chose qu'on va être bien content d'apprendre pour pouvoir en discuter ce week-end au dîner de famille. Hein ? Selon une étude parue dans Animal Cognition, Natacha, les chats ont conscience de certaines lois de la physique. Les chercheurs de l'université de Kyoto montrent dans cette étude que les chats sont capables de comprendre un système de cause à effet. Alors cette équipe japonaise a observé une trentaine de chats. D'une part, ils sont capables de déduire la présence d'un objet caché dans une boîte par le bruit qu'il y fait à l'intérieur. Et dans un second temps de l'expérience, les chercheurs ont truqué certaines boîtes. Ils les secouaient devant les chats, elles produisaient un bruit de clochette, mais une fois ouvertes, elles étaient vides. L'étude décrit des chats complètement désœuvrés, stupéfaits, qui fixaient longuement à l'intérieur de la boîte. Alors je cite la conclusion de cette étude. Cette étude peut être considérée comme une preuve que les chats ont une connaissance rudimentaire de la gravité. Gaston, si tu nous écoutes ce soir, il y a un terreau de physique quantique. Merci beaucoup Natacha. On vous retrouve lundi prochain et puis comme tous les jours évidemment, on peut retrouver tous les liens vers les études qui ont été citées dans ces journaux des sciences sur notre fil Twitter @laméthodefc. À quoi tu penses ? Je fais ce que je fais à cause de mon père. C'était un héros. Il a sacrifié sa vie dans sa quête du savoir. Contrôle, vous captez ça ? À vous. C'est la folie dehors. Il y a des incendies partout, des avions qui s'écrasent. Ils appellent ça la surcharge. Commandant, nous disposons d'informations hautement confidentielles. Que pouvez-vous nous dire du projet Lima ? Qu'il avait pour but de trouver une vie extraterrestre avancée. Le vaisseau a disparu environ 16 ans après son lancement. Et au sujet de son capitaine ? C'était mon père, mon général. Cela risque de vous faire un sacré choc. Votre père menait des expériences sur un matériau top secret susceptible de menacer tout notre système solaire et de détruire toute vie. Nous comptons sur vous pour découvrir tout ce qui se passe là-haut. Voilà, on se disait qu'effectivement ces bandes annonces à l'audio seulement sont toujours un peu sur ce format où il faut envoyer des grosses basses. Bref, vous venez d'entendre un extrait de la bande annonce d'Ad Astra, littéralement vers les étoiles, le 7e long métrage de James Gray, sa première incursion dans le domaine de la science-fiction. Ad Astra suit l'odyssée de Roy McBride, comme vous venez de l'entendre, incarné par Brad Pitt, qui suite à une surcharge de rayons cosmiques de haute énergie sur Terre, va partir aux confins du système solaire à la recherche de son père, incarné par Tommy Lee Jones, parti lui mis en orbite de Neptune 30 ans plus tôt à la recherche de signes de vie extraterrestres. Alors comme souvent dans ces films de SF que l'on peut qualifier d'auteurs, hein, on rediscutera de cette terminologie, James Gray s'empare du genre pour en proposer une lecture très personnelle. Il l'utilise comme un vaisseau, si vous me permettez ce terme, pour aborder donc d'autres thèmes, notamment celui, vous venez de l'entendre, de la famille, des relations père-fils, que l'on retrouve dans bon nombre de ces films. Le cinéma de SF en quête d'auteur, c'est notre sujet du jour. On en parle avec Daniel Tron, Émilie Martin et Simon Rio. Peut-être un premier tour de table sur Ad Astra, promesse tenue, non tenue. Daniel Tron, qu'est-ce que vous en pensez? S'il s'agit de rendre vraiment l'impression qu'on a quand on traverse un grand vide et qu'on s'ennuie, le pari est totalement réussi. Yes. Ça commence bien, ok. Ah oui, ça vous n'êtes pas du tout séduit par la proposition cinématographique? Ah, je suis non seulement je suis pas séduit, mais c'est assez pénible comme film quand même. C'est de la science-fiction totalement prétexte. Il y a strictement rien de personnel réellement dans le film. Et le truc le plus agaçant, c'est que le film est un patchwork d'autres films de SF qui ont très bien fonctionné pour essayer de donner une profondeur à un récit qu'on n'a pas. Hein, ça commence par une référence graphique à 2001. Il y en a une deuxième à la fin. Il y a une séquence d'intro et un plan vers la fin qui sont pris dans Gravity. Il y a des idées visuelles qui sont prises du côté de Blade Runner 2049. La trame générale qui reprend vaguement 2001 au service d'une allégorie psychologique radée pâquerette. Ah oui, d'accord. Qui en plus est explicitée avec une narration pourrie qui fait tout à la voix off. Alors, on aura compris que c'est pas totalement votre tasse de thé. On va continuer dans la même ligne. Émilie, c'est pas mal. Émilie, vous êtes pas non plus totalement enthousiasmée par la proposition de James Gray? Pas vraiment. Je suis complètement d'accord avec vous. J'ai écrit dans ma critique. Je trouve que c'est un pot pourri de ce qui existe déjà. Voilà. Au-delà, bien sûr, des aberrations scientifiques qui sont en fait des incohérences du film qui en deviennent ridicules, on s'attache à aucun personnage et on n'est absolument pas emporté par une quelconque histoire. Et voilà, on retrouve effectivement un peu de 2001. Et moi je trouve voilà qu'il y a une espèce de vernis. Vous parliez tout à l'heure de film d'auteur. Qu'est-ce que c'est qu'un film d'auteur? Alors là, je trouve qu'il y a une sorte de prétention dans ce film. Il y a un vernis comme ça esthétisant qui rappelle, qui veut rappeler 2001, qui veut rappeler Interstellar et qui semble dire je fais un film d'auteur. Je trouve que c'est juste un vernis pour dire il faut aimer mon film. Simon Rio, verdict. Alors moi je serais moins dur que mes petits camarades qui viennent de dégauchisser le film violemment. J'irais en préalable. Dégondé pourrait-on dire. Tout à fait. Non, en préalable je dirais. Biche. Je le trouve assez admirablement mis en scène. Plastiquement il y a des choses superbes, mais là où je vais rejoindre mes camarades, il y a pour moi un vrai problème de démarche, c'est-à-dire qu'en gros le film est beaucoup trop théorique parce qu'on sent James Gray qui dit écoutez les petits copains, moi j'en ai marre de tous vos trucs de science-fiction, je vais déshabiller le space opéra. Donc il commence par une grande scène où il dit voilà vous voyez les machins récents à la Gravity où on fait tout péter, je montre à quel point c'est inintéressant. Après, vous avez vu les films avec des mutants dans l'espace? En une séquence, je vais vous montrer comme c'est pas intéressant. L'idée étant, je pense, pour James Gray, de dire, en fait, la seule chose qui m'intéresse, la seule chose qui vaille, c'est le cœur émotionnel de mon film, c'est finalement ce fils et ce père, tous les deux perdus dans l'espace. Le problème, c'est que c'est tellement théorique, tellement froid, et surtout, il tord, pour arriver à ça, tous les principes, on va dire, d'équilibre narratif, ce qui fait que le film devient glacial, très démonstratif, et finalement, totalement dénué d'émotion, c'est-à-dire précisément le but inverse de ce qui est recherché. C'est-à-dire, finalement, vous verriez ça les uns les autres comme une forme d'exercice de style raté, Daniel Tron? Oui, en bonne partie. Et en plus, le truc un peu agaçant quand on aime la science-fiction, c'est qu'il y a un cliché dans les critiques contre la science-fiction qui est « Ah, il n'y a pas de personnages », où les personnages ne sont pas fouillés. Et donc, il y a une espèce de volonté maniaque de tout baser sur la psychologie des personnages, mais ça fonctionne pas du tout, du tout. Et puis en plus, avoir toute la narration en voix off par un personnage détaché de ses émotions et donc qui parle d'une voix totalement monocorde. Alors, je vais faire quelque chose que je fais assez peu, mais je vais essayer de contrebalancer un peu parce que sans être complètement convaincu par l'intégralité du film, moi je suis très convaincu par le cinéma de James Gray en règle générale. Je trouve que la mise en scène est effectivement assez remarquable et que c'est effectivement, comme vient de dire Simon Rio, un film qui se concentre, qui est une sorte d'odyssée, une sorte de quête du père intergalactique. Et je trouve que il y a quelque chose dans ce personnage dépressif qui est incarné par Brad Pitt et qui est remarquablement incarné et dont on pourra reparler d'ailleurs. C'est cette idée d'une forme de SF intérieure très très introspective, très dépressif. C'est un grand film dépressif, à mon avis. Donc, c'est peut-être ça qui le rend pas facilement acceptable ou visionnable, mais Émilie Martin. Oui, cette trame psychologique, elle est intéressante, mais moi je trouve qu'avec Ad Astra, on n'apprend rien de nouveau là-dessus. D'autres films de SF l'ont remarquablement tiré ce fil. Franchement, le nœud oedipien, il est présent dans Star Wars et il est très bien mené. Il est présent dans un autre genre, Retour vers le futur, quand même. Le fils qui va dans le passé pour éventuellement tuer le père. Là, on n'apprend rien de nouveau, rien d'intéressant. Et puis, il y a peut-être un souci par rapport à la filmographie de James Gray, c'est que son précédent film, sur le papier, n'était pas un film de science-fiction, c'était The Lost City of Z, un film sur Percy, un explorateur anglais qui finira par se perdre, mais où il traitait déjà de... Dans la jungle amazonienne, la recherche d'une cité perdue. Voilà. Et où il traitait déjà de l'exploration, mais avec un brio incroyable, mais où surtout il y avait déjà une relation père-fils qui était centrale dans le dispositif émotionnel du film, et qui terminait sur quelque chose déjà de purement métaphysique, sinon quasi surnaturel et mystique. Donc du coup, moi, il arrive sur Ad Astra avec plein d'idées de mise en scène que je trouve brillantes, mais avec un cœur qui est déjà un peu asséché. Alors, l'ambition de cette émission est pas tant de faire la... Voilà, on a refait un peu le portrait de James Gray, ou en tout cas d'Ad Astra pour l'instant. L'idée, c'est effectivement d'interroger ce que ces grands réalisateurs, et la question si effectivement le fait, la démarche de James Gray en faisant son grand film de science-fiction et veut s'inscrire dans les pas d'autres grands réalisateurs. On a choisi un peu arbitrairement, mais pas tout à fait, quatre films. 2001, le premier, peut-être la première pierre fondatrice de Kubrick. Le Solaris de Tarkovsky, son remake par Soderbergh, puis Interstellar de Nolan et Ad Astra de James Gray. Est-ce que peut-être un mot sur le choix de ces films, Simon? Bah, c'est un choix qui est amusant parce que on peut voir plusieurs films, en tout cas quelques-uns d'entre eux, qui se répondent. Je pense là, vous voyez, par exemple, tout de suite, ça me saisissait quand vous faisiez la liste. Il est amusant de voir comme Interstellar est un film dans lequel moi j'ai l'impression de voir Nolan qui choisit son camp entre Kubrick et Tarkovsky. C'est-à-dire, il nous dit, bah, vous voyez, moi, la planète où il y a que de l'eau, c'est certainement pas une planète intelligente, c'est pas un truc très intéressant, c'est un pauvre machin avec des vaguelettes très arbitraires. Par contre, moi, en référence à Solaris de Tarkovsky. En revanche, le sidekick de mon héros est celui sur lequel je fais reposer beaucoup d'émotions et d'humour, eh bien c'est un succédané du monolithe de Kubrick. Donc il y a comme ça dans ces films des réponses et on sent peut-être pas qu'ils se suivent, peut-être pas qu'ils s'inspirent les uns des autres, mais que leur importance au sein de la filmographie de chacun de ces auteurs somme ceux qui arrivent après de se positionner. Daniel Tromp. Bah, on est sur des choix, enfin 2001, c'est au-delà de la science-fiction, c'est un monument du cinéma, et on est à chaque fois sur des films... assez différents en termes de science-fiction et en termes de culture cinématographique de leurs réalisateurs. J'essaie de synthétiser. C'est une petite portion de la science-fiction spatiale. Mmh. On est toujours très embêté quand on travaille sur la science-fiction pour la définir. Pour aller très vite, il y a un spectre qui va du space opera. Ça, c'est ce qui a succédé au récit d'aventure. Et donc, c'est typiquement l'histoire de princesses dans l'espace. Donc ça, c'est Star Wars, c'est la Guerre des Étoiles. Et à l'autre extrémité du spectre, on a la hard SF, celle qui va mettre la science et la plausibilité scientifique non seulement au cœur du récit, mais pour les spectateurs et lecteurs de hard science, l'incohérence scientifique, c'est un critère esthétique. Et quelque part, dans ces films-là, il y en a aucun. Interstellar essaye de le faire, met le temps au centre de son récit. Tandis que Arthur C. Clarke et Kubrick ont une visée beaucoup plus philosophique, même s'il y a pour la première fois au cinéma des représentations assez réalistes et plausibles de vaisseaux et de stations spatiales. Et le Solaris de Tarkovsky, qui est d'ailleurs dans sa production même une forme de réaction à 2001 et à son succès, on y reviendra. Adapté de science-fiction polonaise. Mmh. De Stanislas Lem, on y reviendra. Voilà, Stanislas Lem. Donc on est sur des... c'est assez varié. Par contre, il est clair que tous ces films se répondent les uns les autres et ont des rapports. En particulier, James Gray essaye de se rattacher à 2001 parce que tous ceux qui veulent faire un film de SF sérieux et beau ont envie d'être comparés à 2001. Émilie Martin. Oui, moi je vois entre ces quatre films, je vois une ressemblance entre 2001 et Interstellar, par exemple, d'abord parce que les deux nous emportent et sont réussis, mais Kubrick, il avait quand même à cœur d'être cohérent scientifiquement, il s'était beaucoup renseigné. Donc au-delà du space opera, de la poésie qui se dégage de ce film, il y a réellement de la hard science. Lui, je pense qu'il avait voulu faire quand même de la hard science. évidemment, il prend des libertés par rapport à ça. On voit des astronautes voler dans l'espace sans scaphandre. Bon, mais dans l'ensemble, c'est plutôt très bien fait. L'histoire du monolithe, c'est très intelligent. Le monolithe, en fait, qui est déposé dans le système solaire en attente qu'une civilisation le réveille, c'est très intelligent. Et Interstellar, encore plus à Hard Science, qui est un film fait à quatre mains. Avec Kip Thorne, qui est un spécialiste des trous noirs et des trous de ver et de la relativité prix générale. Nobel. Prix Nobel. Voilà. Donc, voilà, il y avait réellement entre une volonté encore plus importante chez Nolan de respecter la science. Mais bien sûr, il a, pour les besoins du récit, été au-delà. Mais dans les deux cas, ça marche. Et on reviendra évidemment tout à l'heure sur le Nolan. Un mot peut-être, Simon Rieux, est-ce que finalement la science-fiction... Est-ce que tout le monde ne veut pas, à un moment donné, où les réalisateurs avec une certaine ambition cinématographique ne veulent pas faire leur 2001 ? L'heure 2001, je sais pas, parce que c'est une figure tellement écrasante, mais en tout cas, se confronter à cette grande figure du voyage spatial et de la question spatiale, oui, et je pense que les bonnes raisons, ou en tout cas les raisons de s'y frotter, se multiplient. Parce que vous ne prétendez peut-être pas être Kubrick, mais aujourd'hui, si vous voulez faire un grand récit d'aventure, bah, tout simplement, depuis Skull Island et depuis les années 30, on sait qu'on découvrira plus d'îles, d'îlots, de grottes cachées. Il faut aller dans l'espace, c'est la nouvelle frontière. Si vous voulez vous lancer un défi plastique et esthétique, bah, c'est quand même quelque chose de réussir à faire du cinéma et à raconter quelque chose par l'image et par la forme dans l'espace, dans un univers infiniment noir, avec des malheureux qui sont habillés en blanc, ce qui est quand même ce qu'il y a de pire quand il faut raconter une histoire par l'image. Il y a quantité de raisons, il y a quantité de motifs qui font que se frotter à ces grands auteurs, c'est quelque chose, se frotter à ces grands gestes de cinéma, c'est quelque chose, se frotter à ces motifs de l'Odyssée, c'est important. Donc oui, ça me semble évident que c'est comme un entonnoir, plus on avance et plus on a aussi envie de marier, j'ai envie de dire, le grand cinéma et un cinéma grand public, plus c'est quelque chose à quoi on a envie de se frotter. Et d'ailleurs, on l'a pas mis dans la liste, mais à mon sens, il pourrait tout à fait y figurer. Le Sunshine de Danny Boyle relève exactement de la même expérience. Et il dit aujourd'hui. Gravity aussi. Oui, et Quaron. Mm. Et Danny Boyle dit aujourd'hui volontiers en interview : je suis très heureux de l'avoir fait, je voulais le faire, je voulais me frotter à ça, plus jamais. Non, ce qui est intéressant, alors peut-être la différence de d'une certaine manière vis-à-vis de Gravity, qui est là pour lui aussi un grand exercice de style cinématographique. Vous l'avez dit, Simon, ce qui est intéressant, c'est ce mot d'odyssée. C'est-à-dire que chacun de ces films sont, à leur manière, une odyssée au sens vraiment homérique du terme, c'est-à-dire un voyage avec des aventures, avec des épisodes, avec des interruptions. Daniel Tron. C'est oui, il y a un caractère d'odyssée. Déjà, c'est dès le départ, industriellement parlant, hein, faire un film avec beaucoup de vaisseaux spatiaux, c'est une aventure. Parce que raconter une histoire personnelle et intéressante avec autant de moyens et donc autant d'enjeux économiques derrière, c'est pas évident. Mais Gravity, pour le coup, c'est un exemple assez rare de hard science, enfin, qui essaye de faire de l'hard science de A à Z. C'est très proche, c'est un scénario entièrement plausible, hein, qui est lié à une problématique qu'on connaît aujourd'hui, hein, de la pollution, par les débris des bases d'orbite autour de la planète, et dans lesquelles on retrouve en même temps, je veux dire vraiment, le fil est tiré jusqu'au bout, c'est un des rares films où on peut compter les erreurs. Hein, sens d'ouverture des sas, le travail de l'inertie, quelques petits trucs comme ça. Et à côté de ça, c'est un exercice de réalisation typique de son réalisateur, absolument ébouriffant. Émilie Martin. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai beaucoup aimé Gravity. Je trouve qu'effectivement, il y a un fil qui est tenu, un angle qui est tenu jusqu'au bout. À ceci près que, donc, pour la plausibilité, nous, à la rédaction de Ciel Espace, par exemple, on est très divisés parce que, voilà, une partie de la rédaction trouve qu'il y a trop d'erreurs de grossièreté scientifique. Donc, bon, de voler d'un vélo, d'une station spatiale à une autre, etc. Mais là, dans ce film, voilà, moi, ça m'a pas du tout gênée. C'est un peu un film catastrophe, c'est un film de SF. Et c'est une odyssée qui sert, donc, qui est très bien tenu avec ce huis clos et Sandra Bullock qui le tient très bien. Et c'est aussi une merveilleuse. Là, l'auteur arrive très très bien à nous tendre un fil psychologique jusqu'au bout. On parle de ce deuil et de la résilience humaine. Donc, dans l'ensemble, ça marche très bien. La mayonnaise prend en dépit des erreurs scientifiques éventuelles. On a le sentiment tout de même, peut-être, que Gravity n'a pas tout à fait la même ambition que peuvent avoir des films comme Interstellar, Ad Astra, ou en tout cas, l'affiche pas exactement de la même façon. Absolument, mais parce que peut-être c'est aussi un film, je dirais, très techniciste, c'est-à-dire qui fait reposer le destin de son héroïne sur des questions purement matérielles. Ici, on va même pas comme dans la Destra, qui pourtant essaye de rester un peu crédible, mais on va pas chercher une mystérieuse cité spatiale perdue qui lance des photons. On ne part pas chercher un monolithe. On est sur un bout de station à la dérive. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas mourir asphyxié, congelé ou rebondir sur l'atmosphère? Donc ça peut donner l'impression que le film serait un film finalement plus superficiel, plus matérialiste, mais c'est pas vrai, parce qu'il utilise cette apparente matérialité, ce côté terre à terre, pour en fait partir dans quelque chose qui est de la pure machine métaphorique. On parle de l'histoire d'une mère qui a perdu son enfant, d'une mère en deuil, et donc qui est littéralement dès le début du film entourée de mort. Elle est noyée dans les ténèbres, dans l'abysse, dans le noir, et la question se pose de savoir si elle va attraper les menus débris qui l'entourent et de ce qu'elle va en faire. Donc c'est un film qui en fait est très existentiel, qui n'est pas moins réflexif, pas moins poétique et pas moins métaphorique que ceux qu'on a cités, mais qui simplement, on va dire, ne s'autorise peut-être pas à le porter en étendard. Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called Daisy. Daisy. Daisy. Give me your answer to... On a presque du mal à parler sur ces derniers mots de HAL 9000, une scène de la fin de 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Simon, c'est vous qui avez choisi cet extrait, enfin qui vouliez commenter cet extrait. Pourquoi cet extrait, où je peut-être fais faire un peu de traduction pour nos amis auditeurs qui ne comprennent pas complètement l'anglais. C'est donc là, on est à la fin du film et donc vous allez le faire d'ailleurs, Simon, expliquez-nous. Nous sommes donc à la fin du film. Il faut débrancher l'ordinateur HAL 9000 parce qu'il est devenu menaçant, en gros, pour le dire simplement. Et il va se passer une scène, et ça c'est quand même un tour de force incroyable de Kubrick, c'est qu'il va faire naître l'émotion de justement quelque chose qui n'est pas censé pouvoir ressentir de l'émotion. C'est-à-dire, juste avant l'extrait qu'on a entendu, HAL dit à l'astronaute qui est sur le point de le débrancher, sur cette même voix monocorde et glaciale, non, non, ne me débranchez pas. S'il vous plaît, ne me débranchez pas. Et c'est un moment un peu vertigineux parce que j'ai envie de dire qu'une des seules sources de vraie émotion, de vraie sensibilité dans le film provient de cet être qui est justement, ontologiquement, ne peut pas être sensible. J'avais envie aussi de le citer parce que c'est peut-être une des formes qui aura été la plus puissante dans 2001 et qui a eu le plus d'influence. Depuis 2001, l'Odyssée de l'espace, si une machine a un œil ou un voyant rouge, elle est mauvaise. Si le Terminator de James Cameron a un petit voyant rouge qui indique qu'il est synthétique et méchant dans le premier Terminator, c'est évidemment à la suite de HAL 9000. Et c'est peut-être la preuve incroyable du talent. On parle toujours de Kubrick, souvent beaucoup trop vite, comme un auteur incroyablement sophistiqué. C'est aussi un metteur en scène qui va incroyablement bien à l'essentiel et avec une pureté, une épure très impressionnante. Et l'œil rouge de HAL 9000, le ton égal de HAL 9000 s'avançant vers la mort, c'est la preuve de ça. Ce qui est intéressant dans ce projet de 2001, qui est la volonté de Kubrick de s'atteler à ce projet de science-fiction, c'est que Daniel Tron, c'est un projet cinématographique et littéraire. C'est un projet complet qui est coécrit avec Arthur C. Clarke, qui va sortir le roman en même temps que le film. Quelle est l'ambition? Pourquoi Kubrick se saisit de la science-fiction à ce moment-là? Parce qu'il veut vraiment, alors avec la mégalomanie qu'on lui connaît, hein, vraiment, il veut finalement quasiment en finir avec la science-fiction cinématographique. Il veut commencer et terminer la science-fiction à l'écran. Le choc de ce film-là est aussi à mettre en regard de ce qu'était la science-fiction cinématographique à ce moment-là. Évidemment. C'est-à-dire que l'immense majorité de la production était des films. On est en 68 à la sortie de 2001. Voilà, avec des séries de films de studio, avec des monstres en latex venus de l'espace, des choses assez peu intéressantes ou visuellement assez peu crédibles. Et Kubrick avait ce rêve, déjà depuis longtemps, d'un film sans acteur. Et le fait est que tout le long du film, il arrive avec des compositions qui sont presque abstraites, articulés autour des mouvements de vaisseaux spatiaux qui, pour la première fois, sont crédibles, extrêmement détaillés, à dégager une poésie, une esthétique purement visuelle, mais une poésie du mouvement assez incroyable avec extrêmement peu d'acteurs, effectivement. Et le moment le plus émouvant du film, là, je suis parfaitement d'accord, c'est vraiment, effectivement, la mort de l'ordinateur, au moment où il lui arrache ses modules mémoriels au fur et à mesure. Et au-delà de la lumière rouge, le modèle de James Gray et du côté monocorde, tout le long du film, de Brad Pitt, ça vient aussi de la voix de Hal, à l'époque. Et c'est vrai que le projet est double. C'est Arthur C. Clarke, en fait une version étendue de La Sentinelle, qui était une nouvelle, qui était déjà paru, ouais. Et effectivement écrit au fur et à mesure. Émilie Martin, sur 2001. Oui, ce qui est intéressant et ce qui fonctionne très bien aussi dans 2001, ce qu'on attend de la SF aussi, c'est de se servir, voilà, du décor spatial pour s'attaquer à des questions d'éthique, de société que pose la science. Kubrick y arrive très bien avec ça, il est hyper visionnaire. Enfin, je veux dire, cette ambiguïté de la machine, la relation entre l'homme et la machine. Est-ce que la machine va prendre le dessus sur l'homme? Est-ce qu'il y a un lien va se créer entre les deux? Et là, avec cette scène finale, on voit bien que on a une petite interrogation. Est-ce que Hal est finalement aussi humain que Dave? Enfin voilà, c'est. Et Hal, qui est d'ailleurs, on l'oublie, mais le personnage principal de 2001, qui est vraiment écrit comme étant le personnage principal. Vous le disiez tout à l'heure, hein, Daniel Tron, c'est intéressant de noter qu'effectivement, quand Kubrick veut faire un film sans personnage, 2001 est un film qui dure 2h40, dans lequel il n'y a que 40 minutes de dialogue, c'est-à-dire que c'est un film quasiment silencieux, voire muet. Oui. Daniel Tron? Ah oui, complètement, c'est un pur travail de musique et de mise en scène. Et le récit en lui-même, c'est l'archétype d'un film de Kubrick. Quand on regarde un film de Kubrick, on s'ennuie si on n'est pas actif. Si on est devant son écran en train de se détendre et qu'à aucun moment on ne se pose la question du sens de ce qu'on voit, on peut s'ennuyer profondément. 2001 est un chef-d'œuvre du cinéma absolument incontestable et un des films qui a certainement endormi le plus de gens aussi. Il y en a plein qui, 2001, ils sont pas arrivés au bout. À tort, et, évidemment. Et quand il va, oui, et ça il faut peut être tourner. Assez radical, hein, quand on a eu la ressortie, normalement 2001 commence par plus de 5 minutes dans le noir, avec uniquement de la musique, afin de préparer les yeux et l'esprit, mais aussi les yeux du spectateur dans la salle de cinéma, afin qu'il soit lui aussi semi-ébloui par le lever de soleil des premiers plans. Non, et ce qui est passionnant, et ça va être intéressant pour la suite de notre conversation, Simon Rio, c'est que effectivement, quand on regarde la structure vraiment de la photographie de 2001, on est exactement dans qui vient donc après le Docteur Feu l'amour, quand on examine finalement la composition kubrickienne tout au long de sa filmographie, 2001 est évidemment un film de Kubrick. Qui est construit comme un film de Kubrick avec cette fameuse ligne de fuite centrale. C'est-à-dire que vraiment, Kubrick fait rentrer la science-fiction, le genre de science-fiction, complètement à l'intérieur de sa boîte à outils cinématographique et de son style si particulier. Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, frustrant et excitant avec le programme de cette émission, c'est que si on est à la fois cinéphile et amateur de science-fiction, on est parfois devant certains des films de ce programme un peu bipolaire ou un peu schizophrène. Parce que moi, à la limite, Kubrick, mais alors, au-delà de la, on va dire, de l'historicité, de la valeur historique de ce qu'il fait dans la SF, aujourd'hui, 2001, moi, m'intéresse beaucoup plus comme geste de cinéma, travail de la matière, de la texture, du son, de l'image, que comme geste de science-fiction. Vraiment beaucoup plus. Je suis pas sûr que Solaris soit plus intéressant, je parle des films et pas du texte de Lem, soit plus intéressant comme œuvre de SF que comme surface réflexive, philosophique, métaphysique. C'est-à-dire que quand les grands auteurs s'attaquent à la SF, l'amateur de SF en moi, des fois, souffre un petit peu, il se dit, ouais, mais moi, je reprendrais bien un petit Ex Machina, un petit Silent Running, ou un petit Sunshine, laissez-moi tranquille, les gars. Et le cinéphile, lui, est aux anges. Donc, c'est un rapport un petit peu ambivalent entre le genre et ses auteurs et la manière dont ils se nourrissent tous les deux. Voilà, je vous renvoie évidemment à l'émission que nous avions consacrée un vendredi entier, aux 50 ans de 2001. On vous a déjà mis le lien sur le fil Twitter de l'émission. On va passer au deuxième film, Solaris, qui est effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Daniel Tron, c'est intéressant, une réponse soviétique à 2001. Et alors, c'est assez amusant pour l'histoire, c'est que la société de production Homos Film engage le réalisateur soviétique qui était à l'époque le réalisateur en vue, qui vient de terminer, Andrei Rublev, Tarkovsky, qui est pourtant pas le plus grand turiféraire du pouvoir soviétique, et qui va lui aussi, du coup, complètement ne pas remplir le cahier des charges et faire Solaris. Et pour vous dire à quel point on ne sait pas comment vendre ce film, qui est quand même censé être un film de science-fiction au moment de sa sortie en France, je vous propose d'écouter la bande-annonce de Solaris en français. Vous allez voir, voir, c'est pas, ça correspond pas tout à fait au film de Tarkovsky qu'on a en tête. À 19h précise, je suis descendu par l'escalier mécanique et je me suis installé dans la cabine. Prêt, Kelvin? Je suis prêt. Bon voyage. L'action se déroule dans l'univers. L'époque, un lointain futur. Le lieu, une étrange planète. Vous ferez connaissance avec Solaris, la planète mystérieuse. Le conflit latent entre l'homme et l'inconnu. La rencontre impitoyable de l'homme face à sa conscience, face à son passé. Une réalisation Andrei Tarkovsky, le célèbre metteur en scène d'Andrei Roublov. Une production des studios Mosfilm. Voilà, c'est assez amusant de vendre Solaris comme ça. Ce serait un peu dans le sens inverse de tenter de vendre Star Wars comme un Romer, Simon Rio. Oh là là, les romances d'Astrée et Dark Vador, oui. C'est ça. Un mot sur ce film, qui est là aussi un film très singulier, qui est aussi un projet cinématographique et littéraire, puisqu'on l'a dit, c'est une adaptation du roman de Stanislas Lem, peut-être. Daniel Tron, un mot sur Solaris? Oui, c'est... Déjà, on est sur une école de science-fiction et une région très très différente et très typée. Il y a une tradition extrêmement riche hein, de science-fiction russe et polonaise, hein, notamment avec Lem. Et une chose qui est évidente, dès qu'on lit Solaris, qui a eu un succès assez énorme en France hein, en termes de roman, en tout cas chez les lecteurs, c'est que on n'est pas du tout dans une forme de glorification de la raison dans son exercice qu'on peut retrouver assez typiquement dans le genre. On est plutôt dans un épuisement. Le livre repose donc sur l'analyse, la tentative de communication avec une planète vivante. Et on entend parler tout le long du roman de la solaristique, qui est donc la discipline scientifique qui s'est développée à mesure que les chercheurs cherchent à communiquer avec cette planète. Et c'est avant tout un constat d'échec. Et la seule manière dont les scientifiques réussissent à communiquer, ou plus exactement communiquent avec Solaris, c'est à travers ce que Solaris fait pour tenter de communiquer avec eux. Et Solaris, finalement, se concentre sur leurs émotions. Et on a justement une espèce de vision miroir où la science n'est pas présentée comme une solution, plutôt comme une fausse piste. Qui en fait empêche les êtres humains d'oser affronter leurs démons intérieurs ou leurs expériences sensibles. Et l'objet lui-même, qu'est Solaris, quelquefois quand on a un esprit chagrin, on le classe du côté de ces grands objets stupides, les big dumb objects de la science-fiction, dont le monolithe fait partie en un sens, hein, c'est pas toujours dérogatoire comme terme. Et à côté de ça, c'est une vraie idée d'essayer de rendre ce qu'on appelle l'altérité radicale, qui est un peu le fantasme de la science-fiction. Se dire, j'arrive même pas à communiquer sur Terre avec un dauphin, comment est-ce que je pourrais communiquer avec un extraterrestre? Et comment est-ce que je pourrais traduire littérairement, et puis cinématographiquement plus tard, ce qui serait radicalement autre, à tel point que je pourrais pas le comprendre? Émilie, Martin, un mot peut-être sur cette expérience aussi de science-fiction cinématographique très particulière qui est Solaris, qui est là aussi, à mon sens, enfin, bon, non seulement un chef-d'œuvre, mais un grand, grand film dépressif, un grand film sur l'intériorité, et où finalement Tarkovsky va enlever par rapport au bouquin de Lem toutes les scories, toute la mythologie pour se concentrer sur l'humain et sur le deuil impossible. Oui, c'est moi aussi. Je suis d'accord. J'aime beaucoup ce film. Je trouve qu'effectivement, l'écho entre l'espace, l'univers et le fort intérieur de l'humanité, ça marche très bien. C'est intéressant. La planète océan, c'est intriguant. Les chercheurs d'exoplanètes en ont trouvé plein des planètes océans, donc ça répond bien en fait au côté scientifique. Et puis finalement cette planète qui devient un psychologue en fait pour les humains et qui interroge leur tourment. Voilà un bon exemple où la science, la hard science, marche avec la poésie et la psychologie. Ce qui est le point commun qu'on pourrait trouver dans la démarche cinématographique entre entre Kubrick et Tarkovsky, c'est que là aussi, Tarkovsky applique à Solaris vraiment sa grille de mise en scène absolue. C'est-à-dire que c'est avant tout un grand film de Tarkovsky avant, effectivement, d'être forcément un film de genre ou un film de science-fiction, Simon. Oui, d'ailleurs, Tarkovsky, mais comme Soderbergh en 2002 quand il fera le remake, déshabille, ça vient d'être dit, une grande partie de la mythologie et je dirais même une grande partie de l'apparence de la planète Solaris. Parce que si on a vu que les films, on a l'image, en gros, d'une grande mer d'huile. Alors que dans le texte de Lem, c'est beaucoup plus complexe. Une sorte de cerveau. C'est un vrai cerveau. Il y a une sorte d'arborescence. Il y a littéralement, on pourrait dire, des formes, des patterns qui jaillissent de ce liquide. Et donc là, voilà, ça disparaît complètement. Et ça devient, oui, une boîte de pétri psychiatrique, quoi. Une turbine à fantasmes. Une turbine à émotions. Et c'est ce qui en fait quelque chose d'assez intéressant. Et oui, on dit que c'est un pur film de Tarkovsky. Effectivement, ça pourrait se passer dans une cabane dans la toundra. Donc la science-fiction est plus prétexte ici. Mais ça reste une proposition de cinéma, une incarnation du spleen et aussi du vertige, parce qu'il y a quelque chose du vertige solitaire et d'un vertige solitaire qu'on veut ne pas pouvoir quitter, qui est très très beau dans le film. Daniel Tron. Et d'ailleurs, ça commence bien sur une datcha. Hein. Il a absolument tenu à rajouter une séquence sur Terre. D'ailleurs, il a failli rentrer en conflit avec Lem, qui a demandé des changements au script, parce qu'il voulait absolument introduire un contraste visuel entre justement la Terre au début, la vie. Il y a une phase de transition avec des séquences en ville, avec des images de Tokyo qui font espèce de transition entre deux mondes. Et il essaye quand même de rendre visuellement Solaris. Et d'ailleurs, ça répond aux effets de Trumbull, aux effets visuels physiques à base de liquide de Trumbull. On a quand même pas mal de séquences où il essaye de rendre la variété et les formes de Solaris. Mais surtout, il y a une composition des plans à l'intérieur de la station qui est juste un bonheur à regarder. Et comme c'est Tarkovsky, on a le temps de profiter de la composition. Vous voulez dire que les plans sont un peu longs? Non, ils sont pas un peu longs, ils sont longs et c'est très bien comme ça. Il y a beaucoup de films qui essayent de faire justement de ralentir le rythme pour justement une espèce de posture d'auteur, mais il y a rien à regarder. Ouais, alors que chez Tarkovsky, oui. Il y a des choses à regarder. C'est intéressant d'avoir le temps de regarder la composition. Il n'y a pas de gras dans les décors. Kubrick fait ça aussi énormément. On a plein de moments où, oui, on a le temps de regarder et c'est fait pour. Parce que c'est complexe ce qu'il y a à l'image, parce que rien n'est placé au hasard et ça a un sens d'avoir tous ces éléments-là. Et oui, il y a le temps, du coup, d'avoir ce contact émotionnel, de se poser la question, de regarder, de voir l'objet qui est là. On ne sait pas trop ce que c'est. Et de vraiment de profiter du rythme aussi et de partager cette expérience de découverte très lente du personnage qui a changé de temps. Et c'est intéressant parce que la première personne qui voulait faire un remake du Solaris de Tarkovsky, ce n'est pas Steven Soderbergh, dont on va parler dans un instant, c'est James Cameron qui avait un projet complètement autre, hein, qui voulait, il le dit lui-même, faire un projet à la Abyss, c'est-à-dire avec des effets spéciaux sur la planète, etc. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Le projet, finalement, il l'a confié à Steven Soderbergh, qui, lui, va aller un cran plus loin dans la démarche de Tarkovsky, va encore resserrer l'action jusqu'à un niveau extrêmement intimiste. Écoutez cet extrait où, pour la première fois, Chris Kelvin se réveille à côté de sa femme qui s'est suicidée il y a 10 ans. Je suis réveillé. Oui. Comment tu peux être là? Comment tu peux être là? Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce que tu crois être? Tu crois que tu es où là maintenant? Chez nous. Et c'est où chez nous? Avec toi, dans l'endroit où on vit. Est-ce que tu te rappelles avoir été ailleurs avec moi? Est-ce que tu te rappelles, nous deux, dans un autre endroit? Notre appartement. Décris-le-moi. Il fait noir, très très noir. Il n'y a aucun tableau sur les murs, aucune photo nulle part. Même sur le frigo, il n'y a rien. Ce que j'ai toujours trouvé un peu bizarre, d'ailleurs. Est-ce que tu te rappelles où on s'est rencontrés la première fois? Dans un train. Oh, Chris, je suis tellement contente de te voir. Je t'aime tellement. Et toi, tu ne m'aimes plus? Il faut que je voie quelque chose avec l'équipage. Non! Non! Me laisse pas! Me laisse pas! Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Et la magnifique musique de Cliff Martinez qui accompagne ce Solaris là aussi. Grand film dépressif sur l'impossibilité du deuil. Commentaire libre de cette scène, peut-être Daniel Tron? Moi, j'ai beaucoup aimé le Soderbergh pour plein de raisons. La chose qui marque le plus, c'est, mais ça vient. En fait, j'ai toujours le roman en tête. Hein, il a renforcé en fait cette idée effectivement de voyage intérieur et cette espèce de scène qui correspond à l'interrogatoire de savoir si c'est une copie ou une originale. Et sa femme est vraiment revenue. Ce qui a changé Soderbergh par rapport au Tarkovsky, c'est effectivement d'introduire cette idée de double. Et quelque part d'une manière un peu plus occidentale. À la fin du Tarkovsky, on a l'apparition, on nous annonce qu'en bombardant de rayons Solaris, des îles commencent à apparaître. On a une ellipse, le personnage principal retourne voir son père. Et finalement, on a une extension du plan qui nous montre une île avec la datcha du début du film. Et en fait, il est resté sur Solaris, qui est devenu quelque part, il a recréé son espace intérieur sur cette planète. Et ce que va faire Soderbergh, lui, c'est de le mettre au niveau des personnages eux-mêmes, avec la femme d'abord du psychologue qui effectivement réapparaît, qu'il va éjecter d'abord dans le vide, dans un premier réflexe, comme dans le Tarkovsky, avant finalement de revenir dans son appartement et de se rendre compte que lui aussi est un double. Et c'est ça que j'ai trouvé assez amusant entre les deux. C'est-à-dire d'un côté de rester purement sur quelque chose de visuel et finalement plus allégorique, et dans l'autre cas de venir d'une traduction peut-être plus occidentale de film où l'extraterrestre remplace l'humain. Simon Rio. Oui, alors c'est intéressant parce que surtout quand on met en regard le Tarkovsky et le Soderbergh, on se dit que le Tarkovsky a quand même quelque chose de l'œuvre un peu soviétique, ou en tout cas contre l'impérialisme américain, c'est-à-dire que c'est quand même cette idée au final de l'humain, de l'homme qui ne peut pas dominer la nature, qui ne peut pas intégralement la comprendre et qui doit justement abandonner un peu de son scientisme, de sa technicité, là où le Soderbergh va justement, vous le disiez, vers les émotions, vers les personnages et insuffle presque quelque chose d'un peu dickien dans ce questionnement. Qu'est-ce qui est vrai? Je suis vivant, mais vous êtes mort. Enfin voilà, ce sont des espèces d'interrogations comme ça qui planent dans le film et qui l'amènent encore ailleurs, mais oui, qui le rapproche beaucoup plus, effectivement, un truc plus occidental, vers l'émotion, vers le cœur des personnages. Ce qui avait d'ailleurs, je crois, un peu agacé Lem, qui avait déclaré, il me semble que c'était dans Variety, mais j'ai très peur de dire une bêtise, en 2002, qui avait déclaré que je sache, mon texte ne traitait pas des troubles érotiques de techniciens spatiaux. Émilie Martin, un mot sur la version de Soderbergh. Bah encore une fois, voilà, ça le comment dire, la science-fiction ici marche très bien pour l'introspection, l'interrogation entre les personnages. Moi, ça marche encore mieux, je pense, que la version précédente. Et comme dans ces films, donc c'est pour ça qu'Ad Astra. Ad Astra n'y arrive pas, à mon sens, à se servir du décor spatial pour mener une quête philosophique, une quête psychologique, une quête intérieure. On va avancer parce qu'on arrive dans les dernières dizaines de minutes de cette émission. Un film qui, lui, alors pour le coup, on avance un peu dans le temps, qui n'a pas caché, loin de là, son ambition, qu'il a même affiché haut et fort, ce qui lui a d'ailleurs valu quelques inimitiés, qui se voulait, et je crois que ça a été dit relativement clairement, et même tellement pas à demi-mot, que je me demande même si Nolan ne l'a pas dit dans l'interview, le 2001 du 21e siècle, Interstellar, un projet à rebond écrit par Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, qui devait être réalisé initialement par Steven Spielberg. Quelle est l'ambition, à votre avis, dans la carrière de Nolan, d'Interstellar? Il sort de cette trilogie Batman qu'il a rendue, disons, grand public, mais au grand public d'auteur. Qu'est-ce qu'il cherche à faire quand il se lance dans Interstellar? Christopher Nolan, il a ça quand même, qu'on apprécie ou pas son cinéma, d'assez passionnant, c'est que c'est un des très rares cinéastes aujourd'hui qui a l'ambition affichée d'être tout, c'est-à-dire d'être aussi bien Steven Spielberg que Stanley Kubrick, et surtout qui en a les moyens. Qui est capable aujourd'hui de faire en sorte que la Warner lui finance, c'est le cas de son prochain film Tenet, un film à quasiment 200 millions de dollars avec un concept original, sans marque, sans rien, qui va être un truc, encore une fois, qui va travailler, c'est tout ce qu'on sait, sur le temps et la réversibilité du temps. C'est pareil, Interstellar, il est capable de dire, moi je vais aller faire un film de SF qui va coûter très cher, qui va être tourné en pellicule, qui va être pour l'essentiel fait de trucage optique et d'effets spéciaux en dur, de maquettes. Donc voilà, un projet qui industriellement peut paraître complètement fou aujourd'hui, c'est le seul qui est capable de faire ça. Donc déjà, c'est intéressant, et oui, clairement, il se met dans les pas de Stanley Kubrick. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il animait et qu'il donnait une masterclass à l'occasion de la projection à Cannes de la version restaurée du film il y a 2 ans. Daniel Tron, sur le projet. Oui, Daniel Tron, allez-y, on vous écoute. Oui, pardon. Oui. Ouais, c'est son thème, hein, le temps, depuis le début. Il commence avec Memento sur le temps subjectif, avec un héros qui n'a qu'une une mémoire à long terme et pas de mémoire immédiate, en faisant un film à rebours. Inception, c'est une exploration du temps subjectif, hein, c'est un récit dickien de A à Z sur effectivement les niveaux relatifs de perception du temps, sur l'écoulement dans le temps du rêve, dans le temps de l'existence, dans le temps quotidien. Et là, il le prend de l'autre côté de la SF, c'est-à-dire le temps objectif, un récit sur la relativité, avec les échelles de temps scientifiques. Le film démarre avec la fin de notre civilisation du fait du changement climatique. Et ensuite, c'est la relativité qui va être illustrée à plein de moments dans le film, avec la scène même typique de ce genre de film depuis les années 50, hein, où un scientifique prend un tableau, nous fait un schéma pour nous faire comprendre la relativité du temps. Et puis derrière, bah, on est dans l'exploration des confins de la connaissance scientifique, donc le passage par le trou de ver, et à la fin, une envolée esthétique de poésie visuelle sur d'illustration de la théorie des cordes. Ce qui est intéressant dans cette ambition démesurée de Christopher Nolan, c'est-à-dire que il veut faire 2001, il veut tout le cinéma, il veut toute la science en même temps. C'est-à-dire qu'il s'est adjoint, donc on l'a dit tout à l'heure, Keith Thorne, qui avait pris Nobel sur la représentation du trou noir. C'est vraiment cette espèce de projet un peu mégalo, un peu pharaonique. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Mais c'est rigolo parce que effectivement, il s'adjoint les services de Keith Thorne et puis il veut absolument coller à la réalité. Mais alors il colle à la réalité scientifique, mais alors il pousse dans ses retranchements. C'est-à-dire que, par exemple, quand McConaughey franchit le trou noir, bon, voilà, on sait scientifiquement qu'on peut se dire, bah, alors, il voulait être plausible, mais c'est pas possible, on peut pas franchir une singularité. C'est la licence artistique, voyons. Voilà. Non, c'est plus que c'est-à-dire, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il, il pousse le bouchon jusqu'à dire, ok, mais on a affaire à un trou noir qui tourne en rotation, donc la singularité est annulaire. Donc, à un certain moment de l'équation, il peut passer en étant intact, quoi. Donc, voilà, il s'est quand même pris certaines libertés, mais au regard de la science. Simon Rio. Ah oui, alors là, oui, c'est ma kryptonite. J'aime beaucoup Christopher Nolan et il y a des films de lui, notamment Le Prestige, pour lesquels j'ai un amour incommensurable. Mais pour moi, Interstellar, malgré ses ambitions, malgré plusieurs trouvailles, j'ai presque envie de dire en termes de texture, de couleur, cristallise beaucoup de ses problèmes, à savoir une tendance à devenir quand même extrêmement pontifiant et verbeux. À être assez malin, mais à pas être convaincu que le spectateur le soit assez, et donc à lui rabâcher des trucs de manière assez dure. Et voilà, moi j'ai l'impression que le film essaie de me donner en permanence une leçon et qu'il est pas beaucoup plus malin que moi, ce qui m'agace. Et surtout, moi j'ai un vrai problème. S'il y a des gens ici qui aiment beaucoup le film, je leur conseille de prolonger l'expérience. À l'origine, le film devait être réalisé par Steven Spielberg et Jonathan Nolan a donc écrit un scénario pour Steven Spielberg qui finalement a abandonné le projet. Il faut lire le scénario. On le trouve en anglais sur Internet. Il est absolument passionnant et pour moi c'est un crève-cœur de voir le film de Nolan, parce que la version de Spielberg se voulait pour le coup vraiment une odyssée avec des idées complètement folles et complètement vertigineuses, juste une parmi plein d'autres. À un moment, une des planètes visitées dans la version de Spielberg, c'était une des planètes testées par une délégation chinoise, et avec donc la relativité du temps et les changements de temps, ils étaient censés être là depuis des milliers d'années, et bah pas de bol, l'astronaute chinois était mort en arrivant, et le robot qui était arrivé avec lui s'était multiplié, avait fondé un empire de robots qui, découvrant les humains, décide d'aller détruire la Terre, et à ce moment-là, ça se transforme en une espèce de course-poursuite. Enfin, c'est un truc complètement dingue. Il y a des idées comme ça qui arrivent toutes les 30 secondes. Et voilà, moi, le film de Nolan, du coup, m'attriste un peu. C'est votre amour. Je suis content qu'il ne l'ait pas fait. Moi aussi, je suis contente. Daniel Tron, je suis content. On a tellement peu de films qui essayent de faire de la hard science. Je veux dire, je vais les compter sur les doigts d'une main dans toute l'histoire du cinéma, quoi. Et je lui pardonne même le pire au Nolan. Il y a un truc qu'il n'aurait jamais dû faire. Mais on arrive à la fin de cette émission, malheureusement, et c'est parce que Daniel Tron, vous ne connaissez pas le goût de Simon Rio pour les univers croisés, notamment les robots et la Révolution française, ça donne Robespierre, et à la fin, c'est vraiment la catastrophe. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Simon Rio, merci Émilie Martin, merci Daniel Tron, merci à nos camarades de France Bleu Touraine pour le duplex, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Olivier Bétard et Clément Daté à la technique aujourd'hui.